Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'assassinat d'Abraham Lincoln. Le 14 avril 1865, un vendredi saint, un acteur désœuvré, John Wilkes Booth, ancien soldat dans les armées confédérées, décide de venger les États sudistes et assassine le président Abraham Lincoln. Extrait de l'émission Au fil du temps animée par Pierre Lambert en 1992, l'assassinat d'Abraham Lincoln au théâtre Ford de Washington est très clairement un assassinat politique, et cet assassinat qui survient quelques jours seulement après la fin officielle de la guerre de sécession va profondément ébranler le peuple américain. La mort de Lincoln ramène bon nombre d'Américains à la perte de certains de leurs proches tombés au combat lors de cette cruelle et déchirante guerre de sécession. Je ne peux plus entendre ce genre de discours. Je ne saurais accomplir la moindre foutue chose ayant une portée ou une valeur humaine tant que nous n'aurons pas guéri de l'esclavage et vu cette guerre pestilentielle se terminer. Et que l'un de vous ou quiconque d'autre le sache ou non, je sais qu'il me faut ceci. Cet amendement est la guérison. Nous sommes attendus sur la scène mondiale, maintenant, maintenant, avec le sort de la dignité humaine entre nos mains. L'abolition de l'esclavage par un acte constitutionnel règle le sort pour tous les temps à venir. Non seulement de millions d'hommes en servitude, mais aussi de millions qui pourront naître libres. Deux votes font encore obstacle. Ces votes doivent absolument être obtenus. Vous allez me procurer ces votes. Extrait du film Lincoln, réalisé par Steven Spielberg en 2012, pour nous parler de l'importance qu'a eu l'assassinat d'Abraham Lincoln dans l'histoire des États-Unis, pour nous rappeler aussi le contexte qui va conduire à cet assassinat. Je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Quelle place occupe cet événement, cet assassinat d'Abraham Lincoln dans l'histoire des États-Unis? Évidemment, c'est un événement sans précédent. Il est le premier président américain assassiné et ça choque évidemment l'Amérique. Au sortir d'une guerre qui a été extrêmement meurtrière et cruelle et qui n'est pas réglée pour autant. Et à ce jour, Lincoln est le président qui est le plus apprécié. Il y a plus d'études sur lui que tous les autres présidents réunis. Et évidemment, ça tient à quelques raisons, notamment parce qu'il maintient l'Union. Il sauve le pays carrément avec cette guerre. Il décide d'émanciper les esclaves. On l'entendait dans l'extrait. Il fait passer finalement le 13e amendement. Et évidemment, ça tient aussi à son assassinat qui est brutal, spectaculaire et qui arrive à un moment où déjà la nation pleure ses morts. Oui. Et puis c'est important, cet assassinat-là aussi, pour les suites sur le plan historique, ça change tout, l'assassinat de Lincoln. Effectivement. Il y a un impact concret là, qui va suivre. Tout à fait. La reconstruction qui est à peine commencée, extrêmement délicate. Reconstruction du Sud, après la guerre de sécession. Du pays en entier, hein, de refaire un vrai pays uni, ça va dorénavant être la charge de celui qui était son vice-président, Andrew Johnson, qui n'est pas du tout un homme à la hauteur de Lincoln, qui n'a pas son charisme, qui n'a pas son habileté politique et qui a ni ses idées. Il n'a pas tout à fait la même idéologie que Lincoln, entre autres, par rapport à la question noire. Et donc, cet assassinat brutal change complètement la donne pour la reconstruction américaine. Ce qui fait qu'il va y avoir, même s'il y a eu des gains importants, entre autres avec le 13e amendement, il va y avoir, à la suite de cet assassinat, quand son successeur Johnson va prendre le pouvoir, il va y avoir des reculs dans les faits, puis on pourra y revenir pour les Noirs aux États-Unis. Pour bien comprendre ce qui va conduire à l'assassinat d'Abraham Lincoln, Mylène Desautels, je pense qu'il faut juste commencer par le commencement et rappeler dans quel contexte Abraham Lincoln est élu président et que change cette élection pour les États-Unis. Oui, évidemment, c'est une élection extrêmement importante en 1860. Il est élu à la tête du tout nouveau Parti républicain et le seul fait de son élection fait en sorte que plusieurs États du Sud décident de se séparer. Il va y en avoir 11 en tout qui vont quitter l'Union et refuser donc cette présidence-là qui n'a aucun appui dans le Sud. Ce qui lui permet de gagner, c'est que les démocrates sont divisés, ont un candidat au Nord, un candidat au Sud. Et Lincoln refuse cette sécession. Et c'est ce qui va démarrer la guerre, ce refus de voir des États unilatéralement quitter l'Union. Et qu'est-ce qui provoque une telle réaction? Pourquoi ces États sécessionnistes décident-ils de partir, en fait, parce que Lincoln a pris le pouvoir? C'est une excellente question. Évidemment, c'est un des éléments centraux du Parti républicain. C'est non pas abolir l'esclavage, c'est plutôt de freiner son expansion dans le développement des États vers l'Ouest. Ouais. Alors, c'est somme toute assez timide comme programme, mais même ce point-là dans le programme républicain, c'en est trop pour les États du Sud qui veulent absolument avoir toute la marge de manœuvre en ce qui concerne leur institution d'esclavage. Et le pays, une partie, on en a parlé ensemble déjà dans d'autres émissions, mais une bonne partie du système économique de ce pays-là, à ce moment-là, repose sur ce système d'esclavage. Et l'expansion vers l'Ouest, c'est important. Là. C'est la croissance économique du pays qui est en jeu. Exactement. Et surtout pour les planteurs du Sud. Eux ouais. le voient, leurs terres sont épuisées et leur façon de continuer à avoir une croissance économique, c'est l'expansion territoriale. Alors, avec pour eux, l'esclavage. Un frein à ce type de plantation, de monoculture basée sur une main-d'œuvre servile, c'est vraiment, ils le voient comme la fin de leur monde. Ouais. Aujourd'hui encore, Abraham Lincoln, donc, ça reste d'abord et avant tout un président qui a été assassiné, mais surtout le président, et c'est pour ça qu'il a été assassiné, qui a aboli l'esclavage. Cela dit, sa position sur la question raciale, sur l'esclavagisme, va bouger, va évoluer au fil du temps. On écoute un extrait du documentaire La face cachée de Lincoln, diffusé en avril 2016 à la chaîne de télé française RMC Découverte. Vous allez voir dans cet extrait, vous allez entendre l'historien Richard Norton Smith de l'Université George Mason. Et vous allez voir, il explique justement cette espèce d'ambiguïté. Il parle de ce qui est un peu le premier pas vers l'abolition de l'esclavage, la proclamation d'émancipation. Et il nous explique très bien qu'il y a des questions de principe en jeu, mais aussi des questions de stratégie. Lincoln est face à un dilemme. Il a besoin de l'appoint des soldats noirs, mais risque de perdre les blancs en libérant les esclaves. Alors il prend soin de ne pas révéler ses intentions. Publiquement, il nie toute intention d'aller vers l'émancipation. Mais en secret, il élabore le projet d'une proclamation d'émancipation. Lincoln attend une victoire du Nord pour s'engager davantage. Et quand finalement il fait cette proclamation, il met en avant les avantages pratiques. La proclamation n'a franchi que les esclaves des États du Sud. Cela diminue les forces des Confédérés et ajoute 200 000 recrues noires aux armées du Nord. L'égalité est un droit universel. Dans ce grand combat, c'est notre forme de gouvernement, mais aussi toutes les formes de droits humains qui sont menacées si notre ennemi l'emporte. Lincoln a changé les enjeux de la guerre. Il ne s'agit plus du droit des États, cela devient un combat pour les droits de l'homme. Alors, on le voit bien en écoutant cet extrait, Mylène Desautel, au-delà des questions de principe, il y a aussi des considérations stratégiques dans le choix que va faire Lincoln d'adopter la proclamation d'émancipation, qui encore une fois est un peu le premier pas vers l'abolition de l'esclavage. Quel objectif il poursuit avec cette proclamation-là? Commençons par ça, puis on expliquera un petit peu aussi comment sa pensée sur la question raciale va évoluer au fil du temps, mais l'objectif d'abord de cette proclamation-là. Bien, comme ça a été dit dans l'extrait, c'est vraiment une stratégie de guerre. Et c'est comme ça que c'est présenté, ça va affaiblir le Sud. Et au départ, les États du Nord ont de la misère dans cette guerre-là. Les États sudistes gagnent plusieurs batailles de manière assez spectaculaire, malgré leur infériorité numérique. Et donc, le fait d'émanciper les esclaves, d'ailleurs seulement des États qui ont fait sécession, il y a 4 États esclavagistes qui sont restés fidèles à l'Union, et eux, leurs esclaves, sont toujours en servilité. Ouais. Ce qui est, on voit bien le deux poids, deux mesures d'une certaine façon. Et donc, c'est d'abord et avant tout comme une stratégie de guerre qui est passée avec son pouvoir de commander-in-chief. Donc, ça, on n'est pas un amendement encore, mais vraiment, dans le cadre de la guerre, on émancipe les esclaves du Sud seulement et on vient chercher des nouveaux soldats. On vient chercher aussi, on vient affaiblir l'économie du Sud qui perd sa main-d'œuvre, évidemment, dans le cadre d'une guerre. Ouais. Et c'est un politicien, vous l'avez dit, c'est un fin politicien, un stratège, Lincoln. Puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. Au fond, jusqu'à quel point, quelle est sa position de fond, ses convictions profondes sur la question raciale, sur la question de l'esclavagisme, parce que ça va évoluer. Mais là où c'est ambigu, c'est qu'il y a ce que Lincoln pense, ses convictions profondes, mais il y a comment faire pour arriver à ses fins. Il faut qu'il vende la fin de l'esclavagisme, par exemple, à l'ensemble des Américains. Ça pèse dans la balance. Comment définir à la fois sa pensée profonde et la façon dont ça va évoluer au fil du temps. Oui, Lincoln est quelqu'un de très intéressant justement parce qu'il se permet d'évoluer. On le sait que personnellement, il a toujours détesté l'esclavage d'aussi loin qu'il en a été témoin. Mais de là à promouvoir son abolition ou plus encore l'égalité avec les Noirs, ça, ce sera vraiment une lente évolution qu'il va faire. Et il évolue lui-même et aussi son habileté politique fait en sorte qu'il ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y va très tranquillement. Il est poussé par des politiciens républicains beaucoup plus radicaux, mais il fait attention d'avancer très tranquillement. Et on sait, par exemple, que quand il a fait cette proclamation, il veut même proposer une solution d'émigration volontaire des Noirs hors des États-Unis. Et le retour, la politique du retour. La politique du retour, si ma mémoire est bonne, c'était en Haïti qu'on voulait envoyer les Noirs. Et donc, il va rencontrer quelques leaders noirs, notamment Frédéric Douglass, qui... Et là, il réalise, les Noirs ne veulent rien savoir de cette politique-là. Les États-Unis, c'est devenu leur pays. Ils ont bâti ce pays-là et c'est vu comme une insulte. Et après ça, il ne reviendra plus jamais sur cette question-là. Et donc, on voit que lui, personnellement, évolue. Mais publiquement, il va demeurer très stratégique et très prudent pour avancer vraiment morceau par morceau dans ce chemin-là. Oui. Et puis un morceau important, ce sera l'adoption du 13e amendement sur l'abolition de l'esclavage. Ça arrive tout de suite après sa réélection. En novembre 1864, il est réélu facilement en 64, Abraham Lincoln. Comment s'est reçue cette petite révolution quand même d'adopter le 13e amendement? En fait, ça va passer à l'arraché. Et pourquoi il veut le faire passer, c'est que c'est différent d'une décision de stratégie de guerre où, une fois la paix revenue, ça peut être retiré. Alors, pour vraiment sécuriser cette émancipation-là, que ce soit une réelle, il faut que ce soit un amendement à la Constitution. Et faire passer cet amendement-là, c'est le temps. On a seulement des États nordistes et les quatre restés fidèles. Ouais. Et malgré ça, ça va être extrêmement dur, mais ça va être une négociation qui va vraiment, là, il pousse très, très fort pour faire passer cet amendement-là et que ce soit vraiment enchâssé dans la Constitution. Et c'est évidemment un gain majeur. Et là aussi, la guerre change complètement. Ce n'est plus seulement une stratégie de guerre, mais ça devient vraiment un but, comme on le disait dans l'extrait, une question de droits humains qui est mise de l'avant. Alors, c'est vraiment intéressant, encore une fois, comme évolution, que le personnage se laisse vraiment évoluer au fil du temps. Avec toujours ce souci du politicien qui doit se battre, on entendait dans un extrait un peu plus tôt, deux votes, là, il lui manque deux. C'est très, très serré. Oui, on achète quasiment des votes. Hein. On fait des promesses d'emploi, toutes sortes de négociations comme ça. Lincoln veut passer cet amendement-là. Il va réussir à le faire. Au moment de l'adoption de l'amendement, au moment de la réélection de Lincoln en novembre 1864, elle en est où, cette fameuse guerre de sécession, Mylène Desautels? En fait, là, ça va beaucoup mieux pour le Nord. Le Nord a mis toute son industrie à profit pour gagner cette guerre et le Sud est en train vraiment de perdre du terrain. Il y a une grande partie du territoire qui est reconquise. Et quand avril arrive, c'est la dernière armée sudiste, une des dernières armées sudistes qui se rend tout de suite après la prise de Richmond. Et donc, c'est la fin de la guerre. Lincoln, par contre, n'est pas triomphant. Le dernier discours qu'il va faire, le 11 avril, sur la pelouse de la Maison-Blanche, un peu improvisé, il évite tout à fait là, les grandes formules triomphantes et parle plutôt de la lourde tâche de la reconstruction qui s'en vient. Et va même, pour la première fois publiquement, évoquer l'éventuel droit de vote des Noirs. Alors, on voit encore un pas, un autre pas, toujours cette façon progressive de faire qui est vraiment la marque de Lincoln. Ouais. Mais on connaît la suite. Quelques jours après la fin officielle de cette guerre de sécession, cinq jours seulement, en fait, après la capitulation du général Grant en Virginie, John Wilkes Booth va assassiner Abraham Lincoln. Un mot sur le tueur. Qui est-il? C'est un acteur de théâtre très connu. On dit souvent que la majorité des foyers américain avait une carte postale de ce bel homme. C'est un idole. Et très rapidement, dès que la guerre se déclare, il prend pour le Sud. Malgré ça, il va continuer à se produire dans plusieurs théâtres du Nord, à New York, Philadelphie et autres. Mais il est vraiment très clairement affiché pour les États du Sud. Et on sait que vers la fin de la guerre, dès l'automne, il commence à planifier non pas l'assassinat, mais plutôt un projet d'enlèvement de Lincoln pour négocier des meilleures conditions pour le Sud, étant donné que sur le front de bataille, ça ne va pas bien. Ouais. Et on sait même qu'il a séjourné 10 jours à Montréal en octobre. Montréal était un endroit où il y avait beaucoup d'agents confédérés qui étaient réfugiés ici d'une certaine façon. Et même certaines banques de Montréal ont servi de transit pour l'argent des États confédérés. Et on sait que Booth a eu contact avec ces agents-là, mais on n'a jamais pu lier très clairement là, son projet qui semble être personnel à ces agents-là. On n'a jamais fait cette preuve-là. Oui. Mais évidemment, ce projet d'enlèvement, il meurt de sa belle mort parce que la guerre, au moment où il a ce projet d'enlever Lincoln, la guerre n'est pas terminée. Mais quand, à partir du moment où la guerre est terminée, il doit rajouter son plan. Exactement. Et c'est là qu'il décide de l'assassinat. Non seulement de Lincoln, il a des complices, John Wilkes Booth. Il doit assassiner Lincoln, le vice-président Johnson et aussi le secrétaire d'État Seward. Et donc, ça se planifie très rapidement. Quand le 14 avril, on sait que les Lincoln doivent se rendre le soir même pour une pièce de théâtre au Théâtre Ford, où Booth joue très régulièrement. C'est un peu son port d'attache à Washington. L'assassinat est prévu. Donc, il entre facilement. Là, il rentre très facilement. Ouais. Son courrier est livré là. Ouais. Alors, tout le monde le connaît. Personne doute de lui. Et donc, ça sera très facile pour lui d'assassiner Lincoln. Et comment ça se passe, cet assassinat? Très rapidement. Lincoln et sa femmes sont dans la loge présidentielle. La pièce de théâtre est commencée. Il ouvre la porte. Il n'y a même pas de garde qui est posté pour... ou je pense qu'il y en avait un, mais qui était parti plus loin. Hein. On n'est pas très soucieux de la sécurité de Lincoln. Le secrétaire à la guerre a toujours essayé de protéger Lincoln, mais lui-même refuse un peu cette sécurité-là. Il se promène à pied dans Washington. Oui, c'est incroyable. Inimaginable. Aujourd'hui, il va le soir seul de la Maison-Blanche au bureau du télégraphe pour prendre des nouvelles du front de la guerre. Ouais. Et donc, on a beaucoup de misère à le protéger. Et ça se fait très facilement. Booth ouvre la porte, tire à bout portant dans la nuque de Lincoln et le tue presque sur le coup. Il va mourir le lendemain matin. Et là, c'est très spectaculaire. Hein? C'est un acteur de théâtre. Il saute sur la scène, donc de la loge présidentielle à la scène. On pense qu'il aurait crié « Ainsi meurent les tyrans », donc en latin. Ce serait peut-être foulé ou cassé une jambe, quoiqu'il y a des versions contradictoires à la fois sur ce qu'il a crié et si c'est bel et bien cassé la jambe à ce moment-là. Ouais. Et il y a un cheval qui l'attend et prend la fuite. Et Lincoln est transporté dans une pension en face du théâtre. Et là, toute la nuit, ses proches vont veiller sur lui, mais il n'y a rien à faire. La balle s'est logée derrière son œil et c'est une question de temps. On raconte, Lincoln est extrêmement grand, on le voit un peu sur les photos, mais il est 6 pieds 4, très, très mince. Et on n'est pas capable de l'installer sur le lit. On doit le mettre en travers parce qu'il est trop grand. Ouais. Et c'est le lendemain matin qu'il meurt et donc Andrew Johnson devient président des États-Unis. Cette mort-là, la mort de Lincoln, ça a évidemment, à l'époque, l'effet d'un électrochoc aux États-Unis. On écoute à ce sujet un extrait du documentaire « The Assassination of Abraham Lincoln » diffusé à PBS en 2009. On April 21st, a special train departed Washington, D.C. It carried the remains of Abraham Lincoln and his son Willie. Le 21 avril, un train spécial quitte la ville de Washington, transportant les corps d'Abraham Lincoln et de son fils Willie, dont la dépouille avait été exhumée afin d'être remise en terre auprès de celle de son père. Pendant 12 jours, le train allait faire la route inverse à celle prise par Lincoln 4 ans plus tôt, alors qu'il se dirigeait vers sa première investiture. On his way to his first inauguration. In Philadelphia. À Philadelphie, son cercueil est exposé au Independence Hall, tandis que la foule en deuil s'étire sur près de 5 kilomètres. Le lendemain, à New York, le corbillard de Lincoln est escorté sur la 5e avenue par 16 magnifiques chevaux alors que résonnent les cloches de la Trinity Church. Plus de 500 000 personnes, soit près du quart de la population de la ville, ont assisté au passage du cortège. More than half a million people, a quarter of the city's population, lined the route. La grande émotion qui a accompagné le train funéraire dans son voyage de 2700 km, de Washington à Springfield, en Illinois, n'était pas seulement pour Lincoln. Le peuple américain pleurait la mort du président, mais aussi celle de tous ses fils, frères, maris et pères qu'ils ont perdus durant cette guerre. Every husband, every father lost in that war. L'historien James Swanson, dans le documentaire « The Assassination of Abraham Lincoln », c'est parlant ce qu'on vient d'entendre. Cette mort-là, elle a un impact très, très fort aux États-Unis, Mylène Desautels. C'est toute la cruauté de cette guerre-là qu'incarne, de ce qu'a été la guerre de sécession, qu'incarne la mort de Lincoln. Oui, tout à fait. Et je pense que les Américains le sentent dès le moment où Lincoln est assassiné, la catastrophe que ça représente, et le rappel à cette guerre si douloureuse comme sont toutes les guerres civiles, bien entendu. Et il faut aussi se rappeler que Lincoln est vraiment quelqu'un d'aimé. On ne le croirait pas à voir ses photos parce qu'il y a tellement un air austère sur ses photos, mais il était drôle, chaleureux. Même ses adversaires disaient qu'il était dépourvu un peu d'égout personnel. Il travaillait pour le pays. Et ça, on le voit bien dans toutes les lettres privées échangées avant sa mort, comme quoi il était réellement un homme admiré, et particulièrement dans l'armée américaine. Ouais. Donc, le choc se fait ressentir à ce niveau-là. Le départ, la mort de Lincoln va avoir un impact concret politiquement pour la suite des choses. On l'a un petit peu évoqué au tout début de l'émission parce que c'est son vice-président, Andrew Johnson, qui lui succède et qui, n'est pas de la même essence du tout. Pas du tout. Andrew Johnson, en fait, a été choisi de manière très stratégique en 1864 pour être le vice-président. C'est un homme du Sud. Il vient du Tennessee et son État a fait sécession, mais lui est resté fidèle à l'Union. Alors, on voit que c'est vraiment un choix stratégique pour gagner l'élection de 1864 de prendre cet homme du Sud resté fidèle à l'Union. Lui, il a été propriétaire d'esclaves. On en compte 14 en tout. On dit de lui qu'il est ouvertement raciste. Et surtout, il n'a pas du tout l'habileté politique de Lincoln à essayer de ménager les différents camps du Parti républicain. Oui. Parce que le parti, en fait, c'est le Parti de l'Union nationale, là, pour les élections de 1864, il est vraiment divisé entre les modérés, hein, qui veulent que la guerre soit finie et qu'on pardonne le Sud très rapidement, hein, qu'on efface les plaies et qu'on n'aille pas plus loin. Et pour Johnson, le 13e amendement, c'est suffisant. Pas besoin d'aller plus loin. Pas de vote des Noirs, pas de droit de vote pour les Noirs et pas de citoyenneté non plus. Hein, c'est différent, finir l'esclavage et vraiment obtenir la citoyenneté. Et donc, ce congrès va être divisé entre les modérés et les républicains qu'on dit radicaux, mais au fond, qui veulent vraiment que la guerre ait servi à quelque chose. Ouais. Et comme il n'y a pas ni la conviction pour aller plus loin, ni la force politique, stratégique de le faire, dans les faits, on va assister, puis ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, mais à des reculs pour les Noirs, en fait, dans les années qui vont suivre. Tout à fait, parce qu'en fait, le plan de reconstruction d'Andrew Johnson est encore plus timide que celui de Lincoln, qui était quand même très modéré. Mmh. Et en fait, les États du Sud font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils vont voter très rapidement des codes noirs qui font en sorte que ça exclut les Noirs, par exemple, de la politique, du droit de vote, et même de déplacement, des lois anti-vagabondage qui leur permettent de les arrêter. À toute fin pratique, l'esclavage est officiellement aboli, mais dans les faits, on garde les Noirs en soumission. Et Johnson est très complaisant avec ce Sud-là qui veut garder encore sa suprématie face aux Noirs. Et donc, il va y avoir toute une confrontation entre le Congrès et Johnson qui va presque mener à son impeachment, à sa destitution, qui ne passera pas par une voix. Il va être sauvé par une voix seulement. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.